casa, hombre. Buscando la vida. Es una contagiosa, mi hermano, dice. Aprovecha tu cosa. Salsa. Dem chita, wa fem passe un trai à la misère pour yon jeune garçon, pas vle travail, mais li bito fait youl, ou kutiria, ou pas jamme moual, ma y moulè, ou pas ouel pas bokit, tous gren banon, sous coffre l'estomac moi. Aïe, aïe, aïe, ma wosh chéri moi, y'a ti pitié pour tout le monde chante. Pas femme, pas c'est misère. Depuis matin, vous levez au sorti. Les retournes, tout n'a qu'un autre Mathieu. C'est tuul. Gagnez bagaille, aïe, gagnez bagaille. Gagnez bagaille, pas comme j'ai expliqué. C'est moi qu'on est, moi dis c'est moi qu'on est. C'est moi qu'on est, ça va faire femme subir pour tout le monde.